Mis à part les difficultés inhérentes au rejet du projet blairiste lui-même, il y a sans doute aussi des raisons historiques pour expliquer le faible pouvoir d'attraction de ce que d'aucuns considèrent comme le modèle britannique. La communication entre le mouvement travailliste britannique et les différents courants de la gauche française a toujours été plutôt minimaliste, tellement les traditions politiques des deux pays semblent distinctes. D'un côté, un mouvement ouvrier longtemps dominé par le Parti communiste et la CGT, et dont le discours est fortement irrigué par le marxisme. De l'autre, la quasi-absence d'influence marxiste et une pratique politique et une théorisation qui font la part belle à la réforme et aux améliorations graduelles. C'est l'héritage, entre autres, de la tradition fabienne. Les œuvres des théoriciens les plus influents au sein de la mouvance travailliste sont peu connues et surtout peu commentées dans les champs intellectuels et politiques en France. Ce qui facilite, soit dit en passant, l'opération actuellement en cours dans le champ universitaire français de légitimer le blairisme en le rattachant à une tradition socialiste libérale britannique. Le travaillisme, avec ses courants multiples qui vont du social-libéralisme chrétien à l'anticapitalisme radical, en passant par une forte diversité de réformismes sociodémocrates, reste donc mal compris. I'm gonna stand you, but I wanna ride. You went to England, I went to. Cette incompréhension s'est sans doute aggravée ces 25 dernières années. Pendant ce temps en France, la gauche institutionnelle au pouvoir sous Mitterrand acceptait sans le dire et surtout sans la théoriser, la gestion de plus en plus fidèle d'une économie et d'une société qu'elle avait pourtant promis de transformer, tout en conservant une rhétorique qui la situait plutôt à gauche dans l'espace européen. De l'autre côté de la Manche, le Parti travailliste a d'abord été ravagé par les effets politiques et intellectuels de la révolution thatchérienne et par 18 longues années dans l'opposition. Pris de court, du point de vue intellectuel et politique, par la crise qui a frappé la société britannique dès le début des années 70, et par les solutions offertes à droite, il a été tenté par une politique de gauche à la fin des années 70, présentée aujourd'hui par les gardiens de l'orthodoxie blairiste comme suicidaire, pour ensuite se réinventer peu à peu après l'arrivée de Neil Kinnock à la direction du parti en 1983. Ce processus s'est accentué avec l'élection de Blair comme premier dirigeant du Parti travailliste en 1994. Cette réinvention du travaillisme, sous les vocables de la nouveauté et de la modernisation, surprend par la brutalité de sa rupture avec l'ensemble des traditions de la gauche britannique et encore plus par son étonnant désir de préserver l'essentiel de l'œuvre de Margaret Thatcher. C'est une réinvention qui supporte mal la traversée de la Manche. Smoking up all his cigarettes and putting them out in his hand. She said that you think this hurts now, kid. Well, just wait till later, man. This is fucking torture to me. It's fucking torture. Nefarious, nefarious. It's enough to have to meet you. Oh, nefarious, nefarious. And it's not that I can reach ya. What's good? What's not so good? Sometimes it's hard for her to tell. And what's good? What's not so good? Sometimes it's hard when she knows you so well. And when she knows you so well. And now your teeth are red. There's a little bit about you I don't wanna know. Now your teeth are all red. There's a little bit about you I don't wanna know. There's something that wants this much to happen. There's no need to be alarmed. But I'm not so sure if I want to get in that car. Because I caught you cheating and cocking your chin. And now your teeth are all red. There's a little bit about you I don't want to know. And now your teeth are all red. There's a little bit about you I don't want. It's enough to have to meet ya. Oh, nefarious, nefarious. And there's nothing that can reach ya. And you're tearing me apart, tearing me apart. I'm living on shady faith. Kind of life to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating out in total bliss in a city. This world is so much shade. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Shimmer and rot at the same time through. There's never been a better time in this town. Bite your hand out the frostbitten evidence. All my friends are murdered. Hey, all my bones no marrows in. All these dreams walk to each bed. All my friends are murdered. I'm Le magasin de vin et spiritueux était situé à l'extrémité d'un long ruban de néon, à l'endroit où Hollywood Freeway couplait Sunset Boulevard, frontière entre les vives lumières et les ténèbres des quartiers résidentiels. We'll be right back. L'homme dans la Toyota jaune s'arrêta dans les buissons qui bordaient la bretelle d'accès, tournant sèchement le volant et tirant vivement le frein à main d'un seul geste adroit. Il sortit de la boîte à gants un revolver gros calibre et l'enfouit dans un journal plié, laissant dépasser la crosse et la détente, puis il tourna la clé de contact en position accessoire et ouvrit la portière. Il murmura, haletant, « Au-delà de l'au-delà », et se dirigea vers l'enseigne lumineuse qui clignotait, épelant les mots vains et spiritueux, frontière entre sa vie passée de terreur et sa nouvelle vie de puissance. Down. reconsider. Let's get this right. I was on the front foot, it hit me on the thigh. The ball was travelling down the leg side. In a one-day match, it would have been a wide. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW, Dr. Nunn. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW, Dr. Nunn. I'm in good form, been getting lots of runs. The bowling was easy and I was on for a ton. No one appealed except for third slip. Even the bowler knew that I had got a nick. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW from to none. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW from to none. To right I stand here, appalled. I was waiting for the umpire to say no ball. I was hoping that I might be recalled. But all I hear is this raucous call. Sing it. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW, crook to none. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW, crook to none. The boys in the club will roar with delight when they hear about the duck I got tonight. Oh, of course I can't bowl to save his ruddy life, but he got hung out, that serves the midget right. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW Proctor now. Look at the scorebook, look at the scorebook, son. We'll hang LBW Proctor now. MC5. Certainly not old boy. It's the MCC. Quand il passa la porte qui était restée ouverte, l'homme derrière le comptoir remarqua ses vêtements de sport onéreux, ainsi que le Wall Street Journal qu'il tenait plié, et opta pour un acheteur de bon whisky. Chivas ou Walker Black au moins. Il allait proposer ses services quand le client se pencha au-dessus du comptoir et braqua le journal sur sa poitrine. Calibre 41, chargé à bloc, me force pas à le prouver, file-moi le fric. Oh, still trying to do what I do, but I'm the only one who knows what to do. There might be a million girls trying to get with this man, but I only got eyes for you. Woo! And if you want it, I will do it. My word is my bond. Yeah! Alright! Okay! Tonight and today, here we go! When I say I'm in love, you best believe I'm in love. L-U-V-P-Y-T. Cause I am the phenomenon who always wants to get it out. I've chosen you, you're the one. I know I come on strong. Just show me some leg and I'll be ready for bed. Gonna take you to the moon until you're not in the head. And if you want it, I will do it. My word is my bond. And when I do it, you will love it. Le propriétaire s'exécuta, gardant les yeux baissés sur le tiroir caisse afin d'éviter de lui donner une raison de le tuer parce qu'il l'avait trop bien vu. Il sentit le doigt de l'homme crispé sur la détente et aperçut l'ombre de sa tête qui décrivait un cercle sur les murs de la boutique tandis qu'il versait fébrilement l'argent dans un sac de papier. Il allait lever les yeux quand il entendit un sanglot derrière lui à côté de la glacière, suivi par le déclic du revolver armé par le voleur. Quand il leva les yeux pour de bon, le Wall Street Journal avait disparu et l'énorme canon noir d'un revolver était en train de s'abattre sur lui. Puis il eut un craquement derrière son oreille et du sang dans ses yeux. I'm gonna Le gangster bondit derrière le comptoir et traîna l'homme jusqu'à l'arrière du magasin, balayant tout sur son passage et se frayant un chemin à grands coups de pied. Puis il se faufila jusqu'au présentoir à bière en carton qui se trouvait à côté de la glacière. D'un coup de pied, il renversa le présentoir et aperçut une jeune femme vêtue d'un caban bleu marine, blottie contre un vieil homme en salopette de travail. Esgourdeville, dernier point. Entre en scène Howard Hughes, monsieur le mania. Outillage et aviation, s'attrape soucieux de stupre et grand lascif amateur de mignonnes d'Hollywood. Il a été le propriétaire des studios RKO. Aujourd'hui, il est producteur indépendant, célèbre pour se garder à portée de main de joyeuses poulettes pleines de peps, d'Alan et de Lolo, prisonnières à demeure par leur contrat à service personnel. Entre guillemets. À lire comme des petits rôles de seconde zone en échange de fréquentes visites nocturnes. Ouvrez-les bien grandes, on a entendu dire que la dame de Mickey, sa vedette première, avait laissé tomber le mania masseur de mamelles pour qu'il fasse joujou tout seul avec sa petite hélice, comme un grand. En fait, elle s'était tirée des pattes d'un contrat Hughes et faisait la patineuse à plateau, jusqu'à ce que Mickey se matérialise un jour au drive-in de chez Scrivener, mourant de l'envie de se jeter un chocolat maltais. As-tu le coup de foudre, Mickeyer ? As-tu le cœur brisé, Howard ? One of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just to a shrink to analyze my dreams? She says it's like a sex that's bringing me down. sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm taking up. And am I just paranoid by the Hollywood Cavalcade change de braquet avec sa lettre ouverte au service de police de Los Angeles, le LAPD. Cher LAPD, récemment, trois Clodo Poivrons ont été retrouvés étranglés et mutilés dans des maisons abandonnées du quartier d'Hollywood. Très indiscret, on s'est laissé dire que le tueur qui court toujours leur avait mis le visage en feu au moyen de colle à maquette. La presse n'a accordé à ces meurtres haineusement horribles qu'une attention très légère. Seul le LA Mirror, avec son souci de sensationnel, semble se préoccuper du fait que trois citoyens de Los Angeles aient ainsi atteint à leur néfaste et nauséeux nadir. Il n'a pas été fait appel à la division criminelle du LAPD dans le cadre de l'enquête. Pour l'instant, l'affaire est entre les mains de la division d'Hollywood, confiée à la charge de deux inspecteurs, pas un de plus. Down again, I have reached the bottom. I'm tired. vous les mecs à la cool, savez-vous bien que ce qui fait l'enquête, c'est le pédigré des victimes? Plus il est gros, plus elle a de jus. Et si trois citoyens sans souci se font frire la figure par un psychopathe renifleur de col, ce n'est pas Edmund G. Exley, chef des inspecteurs du LAPD, qui va perdre son temps et son énergie à monter une enquête de grande envergure. Souvent, il suffit d'un petit nom qui accroche l'œil et l'oreille pour attirer la conscience du public sur une sale affaire criminelle, créant ainsi la clameur nécessaire pour demander justice. En conséquence, l'indiscret baptise ce monstre meurtrier anonyme le feu follet fou et demande au LAPD de le retrouver avant de lui arranger un petit rencard bien brûlant dans la chambre verte de Saint-Quentin. Là-bas, on vous le cuisinera aux petits oignons, sur le gaz, et ce tueur-là, c'est au moins 4 brûleurs qu'il mérite pour la bonne crème. The American Jesus, see him. Expressions on the faces of the stunning millions of power break up down. The fuel that drives the clan, he's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the pulse of serenity, the formula that's written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no bombs and a pitfall that he's inside me. Exercising his authority. We've got the American Jesus bolstering national faith. We've got the American Jesus overwhelming millions every day. Yeah. ouvrez l'œil, de nouveaux renseignements ne vont pas tarder sur le feu follet fou. Et n'oubliez pas, c'est ici que vous l'avez entendu en premier. Ni vu, ni connu, vite fait, bien fait et très indiscret. We'll be right back. boulot. Une descente dans un radabook, les journalistes dans le coup, du baratin à l'encre, noir sur blanc, pour faire la nique à l'enquête sur la boxe. Une shoote qui suit au trou pour une casquette pour sodomie avec cafeté. 14 téléphones, une ligne télégraphique, mémo d'Exley. Faire montre d'énergie et de force, mettre les poussettes aux témoins en planque à l'hôtel et découvrir ce que les fédés avaient en projet. En personne, si les choses tournent mal, ne laissez pas les journalistes prendre de clichés. Vous êtes homme de loi, lieutenant. Souvenez-vous de la manière dont Bob Gallaudet aime qu'on lui mâche ses dossiers. Je hais Exley. Exley croit que je me suis payé la fac de droit grâce à des dessous de table. J'ai dit 4 hommes plus les fusils, Stemmons, Junior, copatron. Exley. Veste et cravate, c'est un truc à finir à la télé. Et pas de balles perdues. C'est pour moi que vous travaillez, pas pour Mickey Cohen. Un jour, je te la lui ferai bouffer sa liste de pots de vin. We'll be right back. Junior a réglé toute l'opération. Parfaite. Une rue de Nègreville coupée du monde par les flics. Des bleus à la garde dans l'allée. Journaliste, rôdeuse, quatre cravatés en veston, enfouraillés de pompes calibre 12. Et le sergent George Stemmons Jr. qui fait joujou à dégainer son flingue. Ça remue du nègre bontin qui traîne sous les porches les yeux vaudous. Mes yeux à moi, plein la cible, rideau fermé, allez à bagnole bouchée. Cadrage plein champ, je prends les paris. Turne en parpaing, porte blindée d'acier à 10 contre 1. Je siffle. Junior qui s'approche en jouant de son feu croché autour du doigt. Garde le sorti, tu pourrais en avoir besoin. Coup de phare. Non, j'ai un fusil anti-émeute dans la voiture. On n'entre pas la porte. On n'entre pas par la porte. Elle est blindée. On se mettrait à cogner à la lourde, ils te brûleraient toute leur paperasse. Tu chasses toujours les oiseaux ? Bien sûr, Dave. T'as des munitions dans la bagnole ? Du petit plomb à moineau, du zéro ? Sourire de Junior. La grande fenêtre, là, je la fais sauter, c'est le rideau qui se ramasse les plombs et on entre. Montre-lui le reste du groupe. Tu passes le mot et va dire à ces clowns avec leurs appareils photo de cracher leur pellicule. Avec les compliments du chef Exley. Petite touche beauté, Junior qui se remet la banane en place. Le signal, en avant. Les gars arrivent sur la pelouse, flingue en position de tir. Appareil photo prêt, Junior qui traîne. Demi-tour au pas de course, le fusil, vidé la culasse, rechargé. Coup de sifflet, applaudissement, un paquet de glandus en train de téter le picrate. You'll always find me on the road. Like a more in vain. And the body's a team, the body's a team, yeah. Where will it end? When we talked in the heat, there's no room for